Alors, pour reprendre les mots des organisateurs, ce colloque se propose d'analyser un clergé placé entre le domestique, l'étatique et l'ecclésial. Dans mes recherches, portant plus largement sur les négociations françaises en cours de Rome pendant le règne de Louis XV, j'avais été amenée à croiser plusieurs de ces prélats impliqués dans le gouvernement d'un pays ou dans la diplomatie. Très vite d'ailleurs apparaissent des tensions, voire des tiraillements. Ainsi, il n'est pas anodin qu'un cardinal, à partir de la fin du XVIIe siècle, ne bénéficie pas du statut d'ambassadeur. Il est chargé des affaires du roi, tant ce double statut de représentant du roi, doté du caractère et d'électeur du pape, membre du sacré collège, peut poser problème. Et pour ma période, à l'exception du cardinal de La Rochefoucauld, mais il était encore évêque au moment de son envoi à Rome, aucun cardinal ne fut fait ambassadeur à cette époque. Pourtant, Tencin, Polignac, prélats non négligeables, furent simples chargés d'affaires. Alors, quand il s'agit du plus haut niveau de l'État, on connaît l'importance qu'eurent les cardinaux ministres dans le gouvernement de la France. Fleury, évêque de Fréjus, précepteur du jeune Louis XV, principal ministre de fait à partir de 1726 à 73 ans, cardinal la même année du fait du roi, et à la tête de l'État jusqu'à sa mort en 1743 à 90 ans, n'a pas effectivement tout à fait eu la même fortune historiographique que ses prédécesseurs. Alors il s'agit ici non pas d'y remédier en 30 minutes, mais d'analyser la spécificité de cette double fidélité à l'Église et au roi, à la lumière de ses relations avec Rome, en prenant pour observatoire, il fallait limiter, les années 1730. Dans un contexte marqué par les rebondissements de l'après Unigenitus, particulièrement l'agitation parlementaire, le zèle constitutionnaire d'une partie des évêques, le cardinal de Fleury a fait de la recherche du silence et de la modération pontificale l'un des axes majeurs de sa politique romaine. Dans ces années 1730, marquées par une exacerbation à nouveau des tensions autour de la bulle, il établit au-dessus de la diplomatie ordinaire une correspondance suivie avec le cardinal Corsini, neveu du pape Clément XII et principal ministre lui aussi de fait. Dans ses lettres, Corsini n'a de cesse de faire appel à la loyauté et aux sentiments filiaux du cardinal à l'égard du pape et du Saint-Siège. Qu'il s'agisse des tensions jansénistes et gallicanes ou de la défense des intérêts plus temporels de la papauté en Europe, Fleury est régulièrement sommé d'agir en bon cardinal et d'inciter le roi à se comporter en bon fils aîné de l'Église. En réponse, son pragmatisme politique vient parfois balancer l'engagement où le met sa dignité, qu'il reconnaît bien volontiers. Cette communication se propose donc, en partie à partir de cette correspondance inédite, de se pencher sur cette tension entre ministère politique et pourpre pontifical dans un contexte d'affaiblissement de la puissance pontificale et de crise politico-religieuse interne. D'abord, plus rapidement, je tâcherai d'expliciter l'imbrication absolue entre enjeux politiques et religieux depuis la bulle et le choix ferme de Fleury d'une politique de silence apaisant, pour reprendre ces termes. Dans un deuxième temps, on se penchera donc sur ce dossier que je voudrais un peu vous livrer, constitué par ces lettres précieuses échangées entre les deux cardinaux ministres. Une sorte de symétrie est évidente entre les cardinaux de Fleury et Corsini, de prélats, premier ministre de fait, alors s'il y en a un qui est d'abord cardinal, l'autre d'abord politique ou pas. C'est cette communauté de fonctions, d'identité que l'on va tâcher d'approfondir ici, une confrérie, une commune fidélité que ne manque pas de rappeler Corsini avec insistance à son collègue. Or, sommé de soutenir les droits du Saint-Siège en matière temporelle, Fleury ne peut guère, dans les faits, répondre à l'injonction. Dès lors, dans un dernier temps, on tâchera de définir les gages pourtant donnés au Saint-Siège par Fleury pour éviter toute rupture et répondre aux sommations du pape en bon cardinal. Donc d'abord, un petit point sur ces crises politico-religieuses des années 1730 comme une véritable gageure, il faut bien le dire, pour un cardinal ministre. Les faits sont connus, je vais quand même rapidement les résumer. Donc, après l'accommodement du cardinal de Noailles, peu avant son décès en 1729, la tension renaît en 1730. La déclaration royale du 24 mars 1730, qui confirme celle de 1720 et érige la bulle en loi de l'État, est enregistrée en lit de justice le 3 avril. Le problème est transféré au cœur même de l'État. Elle entraîne logiquement l'attitude des curés obéissant aux évêques qui refusent les sacrements à ceux qui s'obstinent à ne pas reconnaître la bulle. En avril 1731, le Parlement de Rouen condamne par arrêt l'évêque d'Orléans à faire administrer une femme qui refuse d'accepter la bulle. Le Conseil du roi casse les arrêts. Remontrance en 1731, le 25 juillet, puis le 18 août. C'est en fait la naissance de cette question du refus de sacrement qui va durer presque 30 ans. Dès 1730, la consultation des 40 avocats au Parlement avait reçu une large diffusion et le Parlement présente à nouveau des remontrances, septembre 1731 ou 1732. Pour faire taire l'opposition, le roi tient un lit de justice le 3 septembre 1732 pour faire enregistrer une déclaration de discipline extrêmement dure. Le Parlement résiste et, vous le savez, c'est l'exil de 139 de ses membres le 7 septembre. Finalement, avec une soumission du Parlement, le roi sursoit la déclaration de discipline. Bon, excusez-moi pour ce résumé un petit peu long, mais c'est pour replacer le contexte. La situation est d'autant plus complexe que viennent se greffer ensuite les miracles de Saint-Médard. C'est l'affaire du monde la plus délicate, écrit alors le cardinal de Fleury à Neri Corsini. L'évolution du XVIIIe par rapport à cette tradition, la tradition gallicane, c'est bien la combativité du Parlement, et c'est celle-ci qui va dès lors constituer pour Rome une limite, au-delà de laquelle il ne sera plus possible de rester silencieux. L'hostilité la plus patente dans les lettres de Rome, c'est l'hostilité à Chauvelin, secrétaire d'État des Affaires étrangères, patente, c'est cette crainte du Parlement qui justifie l'intervention pontificale. Or, Rome ne cesse de presser Fleury d'aller plus loin dans sa répression des agitations jansénistes et parlementaires, mais le cardinal doit, lui, tenir compte des impératifs de politique intérieure et préserver les équilibres entre deux grands corps de l'État, les magistrats, les évêques. Donc, une seule issue politique, finalement, imposer ce fameux « silence apaisant » à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui passe par la nécessité d'éviter par tous les moyens que Rome n'intervienne dans les affaires du royaume, y compris religieuses. Le silence qu'en 1730 Fleury, le roi, impose aux Français sur la question d'unigénitus et des appels se trouve aussi celui qu'il demande au Saint-Siège et apparaît comme un choix politique lucide et durable. C'est là que les choses se compliquent pour lui avec le Saint-Siège, évidemment. C'est là que pour nous, elles deviennent intéressantes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de saisir la limite entre cette fidélité d'un cardinal à Rome et la nécessaire raison politique d'un principal ministre. En effet, 3 ans après l'élection de Clément XII, l'élection en 1730, le cardinal Corsini, son neveu, se plaint très amèrement de la façon dont Fleury traite Rome, en voulant empêcher à toute force le pape d'intervenir dans les affaires du royaume. Je cite, « Dès le commencement du pontificat, monsieur le cardinal de Fleury m'a toujours marqué que quelques désavantages que paraissaient avoir la religion et l'épiscopat de France, il ne fallait point que le pape s'en mêlât, mais il lui en laissa le soin. Le pape s'est toujours tenu en repos et a résisté aux conseils qu'on lui donnait. » Ces conseils, ce sont ceux qui viennent grandement également compliquer la tâche de Fleury, en réactivant sans cesse les tensions. Ces conseils, ils viennent en particulier des évêques. Du côté des évêques, on trouve évidemment des modérés, mais des plus enflammés, qui écrivent sans cesse à Rome. Et on assiste à une multiplicité des voies de communication, des réseaux entre ecclésiastiques et entre ecclésiastiques et la curie. Beaucoup de choses passent autour ou au-dessus du cardinal ministre. Au centre de la décision, il se trouve aussi au cœur des critiques. Les évêques qui écrivent au pape le font pour s'indigner d'une faiblesse du gouvernement dans sa lutte contre ceux qui résistent sous une forme ou sous une autre à la parole du pontife et, depuis 1730, à la volonté du roi. C'est bien Fleury qui est attaqué. Et c'est aussi pour cela qu'il choisit finalement de correspondre en personne avec le cardinal Corsini, de cardinal à cardinal, de principal ministre à principal ministre. Il attaque à son tour les évêques qui écrivent à Rome. Il minimise les paroles des autres cardinaux, cardinaux de Bissy d'abord, cardinaux de Rouen. Il vilipende pendant de longues années les briques du cardinal de Tencin, un peu à la tête de ce qu'il appelle les briques enflammées, en avançant un argument imparable. Jamais la religion, écrit-il, n'a été plus attaquée, non seulement en France, mais dans les différents États de l'Europe. Et jamais aussi l'union du sacerdoce et de l'Empire n'a été plus nécessaire. D'autant que les jansénistes regardent l'union de ces deux puissances comme, je cite, « mortelle pour leur secte et l'unique salut de la religion ». Dans ce cadre, la communication entre les deux cardinaux ministres constitue un axe fort et direct. Au-dessus de l'ambassadeur, un des réseaux diplomatiques ordinaires, au-dessus du secrétaire d'État qui existe pourtant à ce moment-là auprès de Clément XII et du nonce, même s'ils soutiennent ces derniers, du moins en apparence, ils tâchent de réparer leurs faux pas, allant parfois jusqu'à prendre leur distance avec leurs propres envoyés. Au-dessus de toutes les correspondances, au-dessus des contacts locaux, ces deux cardinaux placent leur correspondance, qui serait la dépositaire de la plus haute valeur et la plus autorisée politiquement. Ces lettres sont donc le témoin d'une négociation intense, serrée, entre les deux principaux ministres. Je vous propose donc maintenant plus longuement d'examiner en détail ce dialogue direct, tâcher de saisir comment Corsini fait pression sur le ministre en passant de façon privilégiée par le cardinal. Alors, bien entendu, en préambule, ces lettres ne concernent pas un seul dossier. Elles traitent de trois grands champs d'influence sollicités. Bien sûr, Corsini cherche l'influence de Fleury et la décision de Fleury du côté de ce qu'il appelle la grande affaire, les suites de la bulle. Bien entendu, crise après crise, Fleury doit donner des gages aux uns sans relancer outre mesure la rébellion des autres, et Rome lui demande sans cesse plus de sévérité. C'est le premier dossier. Le deuxième dossier évoqué entre les ministres, c'est celui qui consiste à pousser le roi à se comporter en fils aîné de l'Église en Europe. Alors, par exemple, soutenir celui qu'on appelle le chevalier de Saint-Georges, le prétendant Stuart à Rome, ou Stanislas. Bon. Troisième dossier, qui est celui que je vais aborder avec vous, c'est celui qui concerne les prérogatives temporelles du Saint-Siège. Et en particulier la question de par méplaisance, dont le pape revendique la suzeraineté et dont les négociations internationales le menacent donc de la perte de cette situation privilégiée sur ces terres du Saint-Siège. Donc c'est ce dossier que je vais aborder avec vous à partir de lettres échangées entre 1735 et 1737 au sujet de par méplaisance. Au moment de la signature des préliminaires de Vienne, donc en octobre 1735, la France apparaît dans une position favorable en Europe, par les victoires militaires, par les acquisitions des Bourbons en Europe, dont la Lorraine, par sa médiation remarquée entre l'empereur et les Turcs. Et c'est à ce moment-là que le cardinal Corsini se tourne vers la France. Je vous épargne le jeu de chaises musicales diplomatiques en cours, et en particulier dans la péninsule italienne à ce moment-là. Ce que l'on retient, c'est que les choix politiques du Saint-Siège sont bien réduits, et c'est de l'impuissance et un véritable appel à l'aide qui résonne dans les propos du cardinal. Je vais centrer mon propos sur trois appels solennels à la France. Trois lettres vraiment très solennelles, très lyriques, de Corsini à Fleury, qui prouvent non seulement combien le Saint-Siège attend encore une fois une aide française, mais aussi parce qu'elles montrent comment le cardinal s'y prend donc pour intéresser au sort du Saint-Siège, au sort temporel du Saint-Siège, un ministre cardinal. Alors, le 30 octobre 1735, Corsini adresse à Fleury un appel solennel. Donc, je cite, « Le danger dans lequel est l'Église romaine de perdre sans ressources le plus beau fleuron de son temporel exige naturellement qu'elle ait recours à l'un des plus illustres de ses fils, dans lequel elle se flatte de trouver par inclination, mais aussi par devoir, un défenseur et un ferme appui. C'est Monseigneur dans cette vue que le Saint-Père a recours par ma plume à votre éminence, afin qu'usant de la confiance que le Seigneur a permis qu'un grand monarque ait en elle, à l'avantage des droits de cette Église, vous ne permettiez pas que ces droits soient entièrement perdus. » Voilà, les mots sont vifs et ciselés pour toucher en Fleury aussi bien le cardinal que le Premier ministre. Le soutien est dû par le roi de France au pape, et un cardinal de l'Église romaine se doit d'agir en ce sens. C'est du reste par un appel à une forme de solidarité sacrée, de devoir commun aux cardinaux, qu'il termine sa lettre. Je me flatte, Monseigneur, que votre éminence, revêtue de la même pourpre et des mêmes obligations que j'ai, elle embrassera la défense des droits incontestables du siège apostolique dont elle fait partie. Bien entendu, l'idée que le roi très chrétien donne les mains à une entreprise qui enlèverait au Saint-Siège ce fleuron que forme par méplaisance n'est pas acceptable pour le pape. Le cardinal rappelle à Fleury que c'est en se flattant du concours de la France que le pape a soutenu le parti français dans l'affaire de Pologne, qu'il serait dommageable que la France ne soit pas reconnaissante. Dans sa réponse, Fleury distingue bien au contraire toutes ces dimensions. Il commence par des protestations de fidélité à la personne du pape, à laquelle il se fait un honneur et une gloire particulière d'être attaché, faisant jouer cette communauté de statuts et de sentiments cardinalis. Mais il distingue cet attachement fondamental du peu d'efficacité d'un tel attachement filial en matière politique. Et il a ici une formule qui me semble assez parlante. Il dit « Ces sentiments sont certains, piété filiale à l'égard du Saint-Père, mais si ces sentiments étaient aussi efficaces qu'ils sont sincères, je répondais plus hardiment du succès. Mais votre éminence connaît aussi bien que moi l'état violent où se trouve l'Europe et toutes les prétentions des différentes puissances qui sont en guerre. Ce faisant, il glisse du cardinal au ministre et donne à Corsini une véritable leçon de pragmatisme politique et de modération. La justice, écrit-il, n'est pas toujours la règle invariable des négociations. et tout le pouvoir du roi, quoique grand, est quelquefois obligé de céder à des vues supérieures et indispensables. Sur le fond même du problème, il se garde d'aller plus loin et même d'évoquer les affaires en cours. Il se contente de réaffirmer le respect filial de Sa Majesté pour le pape, etc. Le 9 décembre, le cardinal Corsini adresse un deuxième appel à Fleury, encore plus alarmant. Il évoque cette fois l'entrée des Allemands en Italie, sans que les traités ne prévoient une borne à cette avancée dans l'État pontifical lui-même. Il décrit cette invasion, dit combien les impériaux font au pape un crime d'avoir permis le passage des troupes espagnoles, et il reprend la même argumentation. Le roi doit défendre le pape, un cardinal doit l'inciter à suivre son devoir. Tous ces crimes doivent trouver un défenseur dans le roi très chrétien et un appui dans un aussi grand cardinal qui lui est au flanc. Car vous voyez bien, Monseigneur, de quelles espèces sont ces prétendus crimes. Je crains seulement que le secours n'arrive trop tard. À nouveau, Corsini termine par une adresse personnelle à son collègue, que j'avais repris dans le titre de cette intervention. Souvenez-vous, Monseigneur, de la défense que vous devez à l'Église romaine. Cette fois, la réponse de Fleury, toujours aussi courte, est tout de même plus dense. Il n'est plus possible d'assurer le Saint-Siège de son soutien contre les troupes impériales parce que la France peut toujours demander à Vienne plus de modération que de récuser un accord déjà signé sur part méplaisance. Fleury réussit à montrer qu'il est un digne cardinal en insistant sur le fait qu'il a lui-même écrit à l'empereur pour lui représenter combien Sa Majesté est touchée de l'oppression que ses généraux font au sujet de sa sainteté. Donc son intervention, il la met plutôt auprès des impériaux. Il conclut « Je n'ose me flatter que ma faible recommandation puisse avoir quelque effet, mais au moins elle est une preuve de mon respectueux attachement au Saint-Siège, aussi bien qu'à la sacrée personne de notre Saint-Père le Pape, dont je voudrais pouvoir prolonger les jours aux dépens des miens. » Mais au moment même où Fleury rédigeait cette réponse afin de calmer les alarmes de Rome, ou du moins d'apaiser la colère du pape contre lui, le cardinal Corsini lui adressait une troisième lettre pour raviver les blessures, rappeler qu'il n'est pas la dupe. Il lui rappelle donc, en commençant, ses deux principales lettres, l'une pour sauver les États, l'autre pour sauver le patrimoine de l'Église. Mais les mots ont augmenté et l'appel est encore plus pressant. « Moins au nom du Saint-Père que du bon Dieu lui-même », écrit Corsini. Il décrit les destructions occasionnées par les troupes impériales. Les Allemands vont ensuite se laisser aller sans vergogne, punir les sujets du pape et du grand-duc d'avoir mis trop de confiance dans les Français et dans les Espagnols. « Que vos entrailles soient émues, Monseigneur », écrit Corsini. Comme si le cardinal devait donc être touché au fond de lui-même de l'état de l'Église. Il est temps encore d'épargner la ruine totale de l'état ecclésiastique et de la Toscane. Il termine, encore une fois, par un appel solennel et ému, culminant avec l'évocation de la mort possible du Saint-Père accablé. Si votre éminence jugeait le contraire, je la supplie de se laisser toucher et de rendre également touché le roi pour le vicaire de notre Seigneur en secourant de son appui le Saint-Siège et l'Italie. L'exhortation est lyrique, la sincérité du ton est encore attestée par la lettre concomitante de Corsini à Chauvelin, qui a dû être difficile à écrire, tant Rome jugeait Chauvelin responsable de la politique belliciste de la France. Et il ose implorer la protection du ministre. La lettre de Fleury, cette fois, est tout de même plus longue, mais il suit toujours la même ligne, la seule possible dans sa situation inconfortable. Tout en assurant Corsini de son affliction profonde, de son soutien, il préfère développer longuement les efforts qu'il a menés auprès de Vienne pour atténuer les maux de l'Église. Piqué sans doute par les rappels répétés de son statut de cardinal, il répond fermement sur ce point. « Je n'ai certainement pas besoin d'être excité par l'engagement où me met la dignité dont j'ai l'honneur d'être revêtu. Et la seule humanité, aussi bien que la qualité de fidèle, suffirait pour m'intéresser à tous les maux dont les états du pape sont affligés. » Dans cette lettre, Fleury a choisi de laisser percer son agacement devant ces exhortations qui ressemblent parfois à des accusations. Il justifie la conduite du roi, mais de façon assez évasive, tout en laissant entendre que le Saint-Siège lui-même n'a pas choisi la bonne voie pour soutenir ses revendications. On voit donc à la lumière de ces trois lettres et de leurs réponses respectives que la France, évidemment, ne pouvait pas céder de toute façon devant les plaintes du Saint-Siège, engagée par les traités. Mais on s'aperçoit aussi que l'argument du devoir du fils aîné de l'Église est encore fortement utilisé par la papauté. Corsini se concentre, lui, sur les maux immédiats de l'État pontifical. Et Fleury n'a garde de parler d'autre chose, tout en insistant sur ses efforts pour amadouer. Tout au long de ses tractations, Fleury n'a de cesse de se défendre, se défendre de toute responsabilité dans l'affaiblissement du temporel du pape. En août 1736, il écrit encore à Corsini sur l'ouvrage de la paix et l'occupation de troupes allemandes. D'après lui, le secrétaire d'État Firao répète à qui veut l'entendre qu'il ne faut s'en prendre qu'aux Français. On ne peut circonvenir que le Saint-Siège ne souffre une grande injustice par la privation de Parme et Plaisance. Et le même cardinal Firao a la bonté de dire que c'est ma faute et que comme cardinal, je ne devais jamais consentir à la paix sans être restitution. Il ignore apparemment que la quadruple alliance, qui n'est pas mon ouvrage, avait par malheur commencé cette injustice et qu'il n'est pas en mon pouvoir de détruire un traité signé et adopté par tous les puissants de l'Europe. Il termine sa lettre par deux affirmations. Je n'ai rien à me reprocher, Dieu merci. Et l'opinion de trois ou quatre de nos confrères ne me donnera aucun remords. Pourquoi ne s'en plaignent-ils pas à l'empereur ? Cette dernière idée va devenir du reste une constante du discours de la France à l'égard du Saint-Siège. Donc, en matière de synthèse sur ces échanges de lettres, on peut dire qu'effectivement, Corsini a choisi de passer de façon privilégiée par Fleury, plutôt que par l'ambassadeur du roi, et pire par Chauvelin. Il est certain qu'il a tenté de toucher une corde sensible qui fasse réagir Fleury. Dans le discours romain, il y a un parallèle évident entre les devoirs du roi, fils aîné de l'Église, roi très chrétien, soutenu par le Saint-Siège, devoir du roi donc à l'égard du pape et les devoirs du cardinal ministre dans sa propre action de conseil auprès du roi. Dans l'ordre de l'action comme dans l'ordre de l'influence, l'un et l'autre sont tenus de rendre des devoirs à Rome. Après cet exemple qui me semble assez révélateur, sinon d'une efficacité politique réelle, au moins d'un discours qui demeure, il faut terminer par l'étude rapide des gages donnés cette fois bien exactement par Fleury à ceux qui mettent en jeu ainsi la fidélité de son service et le salut de son âme. Donc je terminerai par cet équilibre politico-religieux difficile du cardinal de Fleury, donner des gages au pape tout en tenant l'État. De façon générale, il s'agit, on l'a dit, pour Fleury de mener cette politique du silence apaisant. C'est un axe fort, c'est une ligne politique qui explique tout et engage tout pour lui. L'imposer aux opposants à l'intérieur du pays, comme au pape lui-même. Évidemment, pour faire accepter cela à Rome, il lui faut donner des gages. D'abord, dans le champ de l'action politique, en matière ecclésiastique. Vous savez que crédite en général Fleury d'une reprise en main, en tout cas d'une remise en ordre interne des questions religieuses en France, réforme des ordres réguliers, la question des mauristes, j'ai pas le temps de développer tout cela, l'unification du clergé, et là, Rome adresse plutôt un satisfecit au ministre, même si, bien sûr, il devrait aller plus loin. Sur ce point, le fait qu'il dispose lui-même de la feuille des bénéfices est un argument essentiel qu'il n'hésite pas à mettre en avant régulièrement. Dans une lettre adressée à Clément XII, le cardinal de Fleury fait du reste remarquer au pape à quel point le roi a eu l'attention la plus scrupuleuse dans le choix des évêques. Car depuis qu'il gouverne par lui-même, il n'en a pas placé un seul qui soit déclaré en faveur du parti janséniste. Il reconnaît tout au plus deux ou trois qui n'ont pas marqué tout le zèle qu'on avait lieu d'en attendre. Mais l'essentiel est sauf. Il écrit « Le reste n'a pas trompé nos espérances et l'on peut compter un assez grand nombre dignes des premiers siècles de l'Église et qui sont d'une piété au-dessus du commun. » Et il explique cela évidemment très longuement à Rome. Tout en expliquant à Rome, que ce soit au cardinal Corradini, Saint-Office, et Corsini ou directement au pape, qu'il ne peut maîtriser complètement les élans du Parlement, il insiste sur l'idée que les évêques doivent aussi se comporter eux-mêmes avec modération, sans envenimer une situation déjà tendue. Si Rome et particulièrement le Saint-Office souhaiteraient un gouvernement et des évêques beaucoup plus offensifs dans leur défense de la bulle, Fleury s'attache surtout à répondre à ces reproches. Il n'hésite pas, ce faisant, à utiliser des formules fortes. Il écrit ainsi au cardinal Corradini « Si vous étiez à ma place, mon respectable cardinal, et que vous vissiez les choses de près, vous trouveriez qu'il n'est pas possible de se conduire autrement que nous faisons, et que si nous voulions pousser les choses plus loin, il en arriverait des inconvénients dont la pensée seule me fait trembler. » Sur le plan de la méthode mise en avant auprès de Rome, les ecclésiastiques sont mis en exergue. Ainsi, l'un des arguments destinés à amadouer Rome consiste à bien insister sur l'idée que les affaires religieuses sont traitées par des ecclésiastiques. Comme Chauvelin et les parlementaires, etc., sont voués aux gémonies, il est jugé plus rassurant de mettre en avant les prélats. Dans une lettre du 2 mars 1737 au pape, Fleury explique « Je tâche à former un conseil secret de quelques prélats zélés et sages pour convenir des remèdes qu'on pourrait imaginer. Ainsi, j'avoue avec douleur que j'ai bien de la peine à y parvenir. » Alors, cardinal de Rohan, Tencin, cardinal de La Rochefoucauld, enfin, qui est encore archevêque de Bourges à ce moment-là, sans doute, c'est une idée que Fleury développe dans plusieurs lettres adressées directement au pape. Il est vrai qu'à ce moment-là, le conseil de conscience, conservé jusqu'au début des années 1730, n'est plus énormément mis à contribution par Fleury. Or, pour Benoît XIII d'abord, Clément XII ensuite, il y a là un biais d'action à ne pas laisser échapper, qu'il demande instamment au cardinal. C'est chose certaine que ce conseil sera non seulement utile, mais même nécessaire, puisque vous devez veiller à ce que, à l'avenir, votre autorité dans les choses de l'Église ne passe jamais en mains laïques, et qu'elle reste toujours à des ecclésiastiques, recommandables par la force de leur génie et par leur doctrine éprouvée. Et de même, il serait tout aussi nécessaire que vous puissiez au moins désigner dans votre esprit un très bon sujet avec ces mêmes qualités pour successeur à Monsieur l'archevêque de Paris. Dans ses lettres, le pape n'hésite pas, hein, vous le voyez, à demander instamment, à exiger, voire à menacer du tribunal divin. Bon, dans les faits, il n'y aura pas de réelle réalisation formelle de ce projet, en partie faute de combattants, l'explique Fleury, mais l'argument fut payant, comme celui que je n'ai pas le temps d'expliciter, mais d'un concile national, hein, sur le modèle évidemment du concile d'Embrun, évoqué très régulièrement. Mais on peut noter que l'évocation de ce conseil, un conseil ecclésiastique, correspond exactement au moment où, après la disgrâce de Chauvelin, Fleury met en place chaque semaine une réunion hebdomadaire, un comité de ministres. Donc on pourrait peut-être voir dans ce projet celui d'un comité réservé exclusivement aux affaires religieuses et aux ecclésiastiques. Ce que l'on peut remarquer également, c'est qu'auprès et au service du roi se trouvent à cette époque à la fois des ministres issus des milieux parlementaires, évidemment, mais aussi une cohorte de prélats, de cardinaux politiques. J'ai résurgence à ce moment-là. J'ai cité Tencin, bon, avec toutes les réserves qui ont pu être émises sur son rôle, son importance, le cardinal de Rohan, le cardinal de Polignac, celui de La Rochefoucauld, celui qui, un petit peu après, présidera l'Assemblée du clergé. Ministre d'État, diplomate, titulaire de la feuille des bénéfices, ils occupent ou vont occuper des fonctions officielles à la Cour de France à ce moment-là. Et parallèlement, tous auront un ou plusieurs liens directs avec Rome, ils seront pour la plupart chargés d'affaires, et joueront un rôle actif dans les crises de ces années-là. Pour terminer, donc, après la mort de Fleury, la France échappa, si on peut dire, au cardinal de Tencin et ne connut plus de cardinaux ministres jusqu'à Bernice. Si l'on envisage ce ministère de Fleury, on a clairement du côté français une politique de fermeté à l'encontre des jansénistes, des appelants, mais toujours tempérée par l'idée de l'intérêt suprême de la paix publique. De l'autre, des papes qui voudraient se montrer intransigeants sur le respect des textes pontificaux, mais qui ont de moins en moins les moyens d'intervenir impétueusement dans les affaires de France. Donc, en somme, la double qualité de Fleury exprime cet équilibre. Une raison d'État soucieuse de l'intérêt de la religion et respectueuse du Saint-Siège, une raison d'Église limitée dans l'application de ses maximes par la nécessité politique de la paix publique intérieure. Rien que de très attendu, sans doute, mais le contexte tendu d'affaiblissement de la voie de la papauté en Europe, d'extension des gallicanismes en France, rend plus que périlleux cette volonté d'équilibre. Avec Fleury, déjà, le respect proclamé pour le pontife, malmené en réalité, le peu d'égard pour les prétentions du souverain, peuvent-ils entraîner autre chose que l'affaiblissement de la papauté, en réalité, mais aussi aux yeux des sociétés? L'autre cardinal ministre, Bernice, pointait plus tard très clairement cette difficulté. Il ne faut pas que les princes apprennent au peuple à mépriser l'autorité du chef de l'Église. Et lui élaborait une nouvelle ligne de conduite à l'égard de Rome, dans laquelle la prudence le dispute à la lucidité politique. Comme il est inconcevable que Rome renonce jamais aux principes qui fondent ses prétentions, mais qu'elle ne pourra plus jamais réussir à les réaliser, il n'y a plus qu'à ne jamais attaquer hors de propos les prétentions de la Cour de Rome. Donc en gros, silence. Hein, silence sur les prétentions de la Cour de Rome. Je termine. 20 ans après Fleury, le cardinal ministre entend lui aussi les appels et instances venues de Rome, mais de celui qui ne semble plus qu'un fantôme, il fait surtout une instance à respecter. Le problème, je terminerai là-dessus, c'est qu'il écrit « Les affaires à traiter avec le Saint-Siège sont très importantes, très difficiles et très délicates pour un cardinal qui est évêque. Tous les moyens politiques ne sont pas praticables pour les gens de mon état. »